Chapitre 38e, lettre d'écolier. Le temps avançait et Jean s'inquiétait de l'éducation de ses fils. Elle ne cessait de les engager à l'application, non point par des reproches, mais par des encouragements pleins de tendresse. Elle leur dépeignait l'avenir sous de brillantes couleurs. Elle en appelait à leur raison. « C'est votre seul moyen de réussite, mes enfants, » leur disait-elle. « Vous voulez devenir des hommes de science et de talent. Vous pourrez l'être si vous persévérez. » « Je sais que c'est une grande tentation de quitter une tâche ennuyeuse pour aller jouer, mais n'y cédez pas. Songez à l'avenir. Quand vous vous sentirez fatigué, dites-vous, c'est mon devoir de travailler. Si je me livre à la paresse, tout ce que je fais sera perdu. Si je persévère, j'arriverai au but. Soyez courageux, pour l'amour de moi, mes enfants. » Et les deux écoliers l'étaient. Mais si le grec et le latin font partie d'une éducation libérale, ils ne comprennent cependant pas tout. Et l'on n'apprenait rien d'autre au collège. Il y avait bien un maître d'écriture et quelque chose comme une initiation aux quatre règles, mais le moindre gamin de l'école de charité aurait mieux su additionner une colonne de chiffres qu'un collégien. L'orthographe marchait de pair avec l'arithmétique. Cet état de choses ennuyait Jane. « Si je n'organise pas quelques moyens de les instruire, se disait-elle, mes garçons vont être de véritables ignorants. » Ces réflexions portèrent des fruits. Elle se promit de consacrer 2 heures par jour, sauf le samedi, à leur donner des leçons d'histoire, de géographie, d'astronomie, de composition, etc. Et elle ne tarda pas à se voir récompensée, car les deux écoliers avançaient rapidement. Un billet de Franck, adressé à l'un de ses camarades, en aurait au besoin offert la preuve. « Cher Glenn, je te remercie de ton invitation à aller vous rejoindre dans votre expédition d'après-demain, mais je ne puis pas y aller. » « Maman dit que puisque j'ai eu un congé la semaine passée, je ne dois pas en demander un autre. Tu m'as dit de t'envoyer la réponse ce soir. C'est pour cela que je t'écris ce billet. J'aimerais bien aller avec vous, et je penserai toute la journée à vous. Viens me montrer en passant le poisson que vous aurez pris. Ton affectionné, Frank Halliburton. » Le billet était adressé à Glenn, senior. Egar reçut l'ordre d'aller le remettre à l'adresse indiquée. Glenn, senior, qui était simple collégien et non choriste, fit la grimace en le lisant et s'assit sous l'impression du moment pour répondre « Mon cher Halliburton, tu es un nigaud de ne pas demander la permission au vieux doyen qui te permettra parfaitement d'aller. Dis à ta mère que tu dois absolument venir avec nous. Nous sommes 8 et nous avons tout un panier rempli de provisions. Ça vaut beaucoup mieux d'aller à la pêche que de rester pour cet imbécile de collège. Réponds-moi que tu viendras demain afin que nous puissions nous arranger. » Ton vieux P. Glenn, le tout truffé de fautes. M. P. Glenn achevait son billet quand son père, chirurgien attaché à l'hôpital de Helstonleigh, passa à jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule de son fils. « Tu fais ton exercice, Philippe ?»« Non, papa. J'écris un billet à un de nos camarades pour l'engager à venir avec nous mercredi. »« Mercredi ? Avez-vous congé ?»« Oui. Ne sais-tu pas que c'est la fête d'un saint ?»« Non, » dit M. Glenn. « Les fêtes des saints ne me regardent pas comme vous autres collégiens. »« Voilà un joli spécimen d'orthographe, » ajouta-t-il, en regardant d'un air amusé la lettre de Philippe. « Est-ce qu'il y a des fautes, papa ?»« Oh, mais ça ne fait rien. Nous ne prétendons pas savoir l'orthographe. »« C'est fort heureux que vous ne le prétendiez pas. Mais comment se fait-il que ton ami Halliburton écrive si bien ?» Il avait pris le billet de Frank. « Oh, ils sont si avancés, les deux Halliburton. Ils s'y mettent avec une ardeur. Ils savent toujours leurs leçons. » Ils apprennent le soir l'anglais, l'histoire et tout ce qu'on n'apprend pas au collège. Ont-ils un précepteur? Ils ne sont pas assez riches pour payer un précepteur. C'est Madame Halliburton qui leur donne des leçons. Que crois-tu que Gar Halliburton ait fait l'autre jour, papa? Morton punissait le 4e banc et leur avait donné des verres pour prendre somme. Voilà Gar Halliburton qui se lève et qui dit « Monsieur, j'aimerais mieux un autre morceau, s'il vous plaît. » Morton lui a demandé pourquoi et Gar a répondu « Parce que j'ai fait avec mon frère Sévère il y a 8 jours. »« C'est son frère aîné, pas Franck. »« Eh bien, n'était-ce pas joli, papa ?»« Oui, certes. »« Eh bien, voilà comment ils sont, les Halliburton, ultra honorables. »« J'aimerais bien voir ton ami Franck et lui demander comment il s'y prend pour savoir si bien son anglais. »« Laisse-moi l'amener prendre le thé demain soir, papa, » cria vivement Philippe. « Je te le permets. »« Bravo !» cria Philippe. Et tu l'engageras à ne pas s'inquiéter de sa mère et à venir avec nous à la pêche, papa. Philippe, ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais je ne vois pas à quoi ça sert un garçon d'écouter tout ce que dit sa mère. Philip Glenn reprit son billet et ajouta en post-scriptum « Mon père dit que tu dois venir prendre le thé demain, ce sera si amusant. » Et la lettre fut expédiée à Frank par un domestique en livrée.